Bonsoir, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire pour 2 heures de blues. Bienvenue sur Très Blues, Assez Fou. Mon nom est Denis Baudin, vous êtes sur les ondes du 89.1 FM Radio Campus. 2 heures de blues, beaucoup, beaucoup de musique pour vous cette semaine sur Très Blues, Assez Fou. Et on débute immédiatement avec un artiste québécois, un harmoniciste qu'on a écouté il y a quelques semaines. Voici Guy Bélanger. Thank you. train so far from home. Hammer down that turnaround and ball the wall. That mighty boy, that mighty boy, he'd smoke 'em all. Right hand of gold, tough like Shivalo with a Ray Charles soul. Line up all the rounders and watch them fall. That mighty boy, that mighty boy, he'd smoke them all. He'd smoke them all. On the inside, cause I know the grill. Just let him up and set him up for the kill. Never heard nothing like him north of the 48. Never no one like him in the 50 states. Smoke 'em all, un musicien blues canadien de la région de Toronto, qui s'appelle Colin Linden. Colin Linden est un musicien qui travaille beaucoup, qui a contribué ou participé avec plusieurs artistes blues au Canada. Et juste avant, nous avons entendu une pièce de Guy Bélanger. La pièce s'appelait Take a Walk Around the Corner, du dernier album de Guy Bélanger, Blues U-Turn. On poursuit nos découvertes blues ce soir avec un individu de la région de New York qui se fait appeler le Révérend Shaun Amis avec de l'album Kitchen Table Blues, It Hurts Me Too. Thank you. love him less. Why let go behind him and take his mess? But when things go wrong, oh, wrong with you, it hurts me too. We love another woman, and yes, I love you, but you love him and stick to him like glue. But when things go wrong, go wrong with you, it hurts me too. Écoutez Très Blues Assez Fou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. I got my mojo working avec Muddy Waters. Muddy Waters, qui est un guitariste de blues né en 1915 à Westmont, en Illinois. Mort à Westmont, en Illinois, qui est né au Mississippi, qui a beaucoup de pièces à son actif. Alors, ça fait partie de nos découvertes de l'histoire du blues. Malheureusement, cette semaine, notre ami, pour les deux prochaines semaines, notre collaborateur Paul Delaurier ne pourra pas être avec nous. Il est cette semaine en spectacle. La semaine prochaine, le Paul Delaurier Band participe au IBC, International Blues Contest à Memphis. On tentera de rejoindre Paul avec le décalage horaire et les prestations musicales directement de Memphis pour avoir des nouvelles la semaine prochaine. La semaine prochaine aussi avec nous à Très Blues à C'est Fou sur les ondes de C'est Fou 89.1, l'ami Steven Hubert sera avec nous. Il nous fera une présentation des grandes salles de la région de New York, des grandes salles du blues avec des pièces extraites de ces salles, enregistrées dans ces salles particulières. Donc, un autre aspect du blues et de l'histoire du blues, des biographies que Steven nous fera découvrir. On continue la musique avec No Doubt. La pièce s'appelle No Doubt de Albert Cummings. About 3 a.m. I was laying in my bed, oh, wondering where you had been. Well, I laid there so quietly, oh, while you've been asleep. When I think it to myself, oh, I'm about to see what you mean. When there's a doubt, there's no doubt. Oh, no doubt about it. When there's a doubt, there's no doubt. No doubt about it. What you gonna do? I know why. Well, it hurts me so bad, all down deep inside. Well, I spend my days with tears in my eyes, trying to make myself your alibi. When there's a doubt, there's no doubt. No doubt about it. When there's a doubt, there's no doubt. No doubt about it. What you gonna do? gonna do? Oh yeah. Oh, you know the truth's gonna come out. No doubt about it. Oh, what you gonna do? Oh, when the truth comes out. What you gonna do? Yeah. Well, time all day, I want to make love to you. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Vous écoutez Très Blues Assez Fou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. been telling me I was no good. She's out. I was just a child. They said I was a bestie when I was born. Deb Callahan avec la pièce Guilty. Deb Callahan, une blues woman qui nous vient des États-Unis, qui a présentement une pièce, un album, pardon, en bonne position sur le palmarès des top 50 des albums blues par le Root Music Report. Le Root Music Report, c'est l'organisme qui écoute les radios aux États-Unis, qui nous présente hebdomadairement 50 des meilleurs albums blues et des albums qui tournent le plus ou qui se vendent le plus. Nous allons faire au temps d'une 20 à 30 minutes le tour des 50 albums rapidement, pas les 50 albums individuellement, mais les albums les plus marquants de pour cette semaine. Nous allons aller écouter maintenant un autre individu, un autre Américain. Le blues est très américain, comme vous savez. Randy McAllister. Randy McAllister avec la pièce Bullets for Breakfast. You must be eating bullets for breakfast, 'cause you sure love shooting off at the mouth. Every time I hear you start to talk, I can't believe what I hear coming out. You're talking out the side of your face, but you better keep track of what you say. There's somebody going to call your bluff, and you better have all your life straight. You might be thinking that you're slick, out there not telling the truth, but you're only out there acting a fool. And when you open your mind, that's your proof, yeah. eating bullets for breakfast. Did you show them shooting off at the mile? Every time I hear you start to talk, I can't believe what I hear coming out. You're talking out the side of your face. Better keep track of what you say. Well, someday somebody gonna call your bluff, and you better keep all your lies straight. You might be thinking that you're slick, out there not telling the truth, but you're only out there acting a fool. And when you open your mouth, that's the proof. Écoutez Très Blues Assifou avec Denis Baudin au 89.1 FM. Dollar bill in so long, so long, baby, so long. Jordan Officer, Jordan Officer, que nous avons eu l'occasion de rencontrer, avec qui nous avons eu l'occasion de discuter dans les premières semaines de Très Blues à C'est Fou. Je vous rappelle que vous êtes sur 89.1 FM. C'est Fou à Trois-Rivières. Mon nom est Denis Baudin. Vous écoutez l'émission Très Blues à C'est Fou. À toutes les semaines, pendant 2 heures, nous tentons de vous faire découvrir le blues sous toutes ses facettes, à partir du début du blues jusqu'au blues actuel. Et la pièce de Jordan Officer était une interprétation actuelle d'une vieille pièce de blues, Harlong Blues. Et Jordan Officer, à compter du 6 février, sera en tournée au Québec. On aura l'occasion de pouvoir l'écouter dans la région ici, à Victoriaville, le 11 février. C'est un des endroits les plus près de nous, entre février et mars, que Jordan Officer pourra se produire. On poursuit nos découvertes avec Tommy Castro and the Painkiller. La pièce s'appelle Method to My Madness. I know you think I'm twisted like a piece of barbed wire. You say that I'm afflicted. You're preaching to the choir. You're the kind of woman worth waiting for. So I keep on knocking. You open the door, but can't you see that I've been blinded by desire? There's a method to my madness, a secret I'm keeping deep down in my brain. A method to my madness. I might be crazy, but I'm not insane. Think it's crazy the things I do. A little too much, maybe. It ain't enough for you. I'm trying to make up what's left of my mind. I'm chasing after you. You think I'm wasting my time? Gonna find out what it's all about before I'm through. There's a method to my madness. A secret I'm keeping down in my brain. A method to my madness. I might be crazy, but I'm not insane. feeling of freedom, but only if you pay. Well, if you have a taste, baby, I know you're gonna stay. So come on, lose, come on, low. Just give it to me, sweet. It was a rusty like your broken bottle singing in the street. I seen it take a man and break a man into his just a reckless little runaway. Got something to prove, oh. Oh, it's just another Saturday night. Still, oh, it's just another Saturday night. Lay him out under the pale. Samantha Fish, Laid Down. Samantha Fish, qui est une jeune blues woman guitariste, dont l'album s'appelle Woman with Guitar. Juste avant, on a pu entendre Tommy Castro and the Painkillers, Method to My Madness, de l'album du même titre. L'album Method to My Madness de Tommy Castro est présentement en quatrième position du Root Music Report des albums de blues. Nous allons aller écouter Christian Colin avec Spirit of the Blues. You do. matter if you're rich or poor, or how you paid your dues. As long as you can feel it, you got a spirit of the blues. Well, I've been struck by lightning, Hopkins, calling the muddy waters too. Christian Collins, Spirit of the Blues, l'album du même titre, Spirit of the Blues, est en 44e position au Root Music Report du blues, en progression de 5 positions. On fait une pause et on vous revient. C'est fou, 89. Vous écoutez Très Blues à C'est fou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Getting harder than ever been before. find, oh heaven, I don't care where they go. I can find, oh heaven, I don't care where they go. Très blues, assez fou, 89.1 FM à Trois-Rivières. C'était Adam Karch. Adam Karch est un bluesman de Montréal qui nous faisait Hard Time Killing Floor. Hard Time Killing Floor est une vieille pièce de Skip James, une pièce écrite avant les années 1950, dont on lui faisait son interprétation. C'est extrait de l'album Blueprints. Blueprints est un album de 2014 chez les disques Bro. Blueprints fera partie des albums qui, dans les prochaines semaines, sera analysé, présenté par notre nouveau collaborateur, Michel Letarte. Michel Letarte sera avec nous dans quelques semaines pour nous présenter un album qu'il a choisi. Et on va lui donner la mission d'analyser, d'écouter l'album d'Adam Karch. Le prochain est un musicien qui sera chez nous bientôt à la nouvelle salle de le cabaret de l'amphithéâtre de Trois-Rivières, Victor Wainwright and the White Roots. Je vous invite à aller sur enspectacle.ca pour vous procurer des billets. C'est un pianiste merveilleux, fantastique, qui a une dextérité particulière. Voici Victor Wainwright. a woman means can be. All you ever do is rag on me. Now stop bossing me, baby. Always pushing me around. Bite your tongue, zip your lip. If you don't lighten up, you're gonna sink our ship. Stop bossing me, baby. Always bringing me down. If you don't like my woman the way I am, get on out and get another man. Stop bossing me, baby. You're always pushing me around. You ain't no cat and I'm no mouse. Chill out, child, and get out of my house. Stop bossing me, baby. You're always bringing me down. Head down. But oh, when we love, I'm a little turned up now. But when you push and shove, it's time to get out them gloves. I'll give it a rest, it's time you try. Get off my back, girl, I ain't lying. Stop bossing me, baby. You're always pushing me around. Victor Wainwright, on a, comme je vous disais plus tôt, Victor Wainwright, on aura la chance d'avoir un spectacle avec de Wild Roots bientôt à, au nouveau cabaret de l'amphithéâtre de Trois-Rivières, l'amphithéâtre Cogeco. Vous êtes sur CIFOU, C-F-O-U 89.1 FM à Trois-Rivières. Mon nom est Denis Baudin. L'émission s'appelle Très Blues à CIFOU. Hebdomadairement, nous vous faisons écouter 2 heures de blues. Nous allons dans toute la largeur du spectre de la musique blues et ça nous fait plaisir de vous faire faire plusieurs découvertes. Je vous ai parlé plus tôt de certains albums au palmarès du Root Music Report. Le Root Music Report présente les 50 albums blues les plus vendus ou les 50 albums blues du palmarès. La 50e position cette semaine, Jason Vivone and the Billy Bats. C'est une nouvelle entrée. Je vais prendre le soin d'écouter la nouvelle entrée de Jason Vivone and the Billy Bats cette semaine pour vous en parler la semaine prochaine. Dans les nouvelles entrées aussi, nous avons Andrea Marr Band, The Andrea Marr Band, avec l'album Live Blues Party at the House of Blues en 48e position. On remonte dans les positions plus près de nous, plus près de la première position. En 10e position, Samantha Fish, qu'on a écouté plus tôt avec une vieille pièce. Cependant, son nouvel album s'appelle White Heart, qui est en perte de 6 positions. Elle était elle était en 6e position la semaine dernière. Et les 5 premières positions selon le Roots Music Report. La Tedeschi Trucks Band qui a fait un bond de 6 positions. Le Tommy Castro, Method of Madness, qu'on a écouté plus tôt, qui a fait un bond d'une position. Buddy Guy avec son album Born to Play Guitar en troisième position. En deuxième position, Shemeika Copeland. On écoutera un petit peu plus tard dans l'émission du Shemeika Copeland, la pièce Married to the Blues. L'album s'appelle Outskirts of Love, qui est en deuxième position. Et en première position, Dave Alvin, Last Time, Dave Alvin et Phil Alvin, dont on a écouté plusieurs pièces dans les dernières semaines. On écoute un doublé d'un artiste qui s'appelle Eddie Cotton. La première pièce s'appelle Barry So Black. Thank you. would give you my very last dime. Now your smile is a low-down frown. You act as though you don't want me around. I used to make you so happy. Now I cost you so much misery. You're not satisfied with the things I do. Your unhappiness hurts me too. You don't have the Santa no scarf. I wouldn't hurt you no more. I'm gonna be leave my ego at your door. I won't be hurting, won't be hurting you no more. I'm gonna leave my ego at your door. I won't be hurting, I won't be hurting you no more. I'm gonna leave my ego at your we'll écoutez Très Blues Atifou avec Denis Baudin au 89.1 FM. Jamaica Copeland, Married to the Blues, Jamaica Copeland, qui est tombé dedans quand elle était tout petite. Son père était un guitariste de blues. C'est aussi quelqu'un qui a tenté sa chance dans les années 80, fin des années 90, début des années 2000 au cinéma. Mais c'est dans le blues qu'elle excelle le mieux. Married to the Blues était une pièce extraite de son précédent album. Son album actuel est en bonne position au palmarès du Roots Music Report. En deuxième position, Heartskirts of Love. C'est un excellent album aussi. Nous, dans les prochaines semaines, on tentera de vous en faire une présentation ou une critique. On écoute Sonny Landreth avec Walking Blues. Shoes, you know I hear the need of walking blues. Woke up this morning, looked out for my shoes. You know I had the need of walking blues. Some people try to tell the blues ain't so bad, but it's the meanest thing I ever heard. Some people tell me I sing the blues. Yes, I say everybody wanna know why I sing the blues. Well, I've been around a long time, I really have paid my dues. When I first got the blues, they brought me over on a ship. Men were standing over me, and a lot more was the whip. Man, everybody wanna know why I sing the blues. Well, I've been around a long time, I've really paid my dues. I've laid in the ghetto flats, cold and numb. I heard the rats tell the bed bugs to give the roaches some. Everybody wanna know. Thank you. stuff. But a lady stood up and she said, you haven't been around long enough. That's why I got the blues. The blues. I say I've been around a long time. I've really, really paid my. Écoutez Très Blues Assez Fou avec Denis Baudin au 89.1 FM. love to be at home. That's where I pay my bills and people I carry on. Vous êtes sur Très Blues, assez fou 89.1 FM, la radio de campus de Trois-Rivières. Mon nom est Denis Baudin, je suis content d'être avec vous à toutes les semaines pour vous présenter deux heures de blues. Nous venons d'entendre I Love Chicago de Zora Young, Little Mike and the Tornadoes. On poursuit notre découverte blues cette semaine. La majorité des artistes, ce sont des découvertes pour moi cette semaine, avec Fiona Boys, Got My Eye on You. I got my eye on you. Seeing is believing. I believe I got my eye on you. I wanna look you up, baby. Well, I know. I wanna raise up your shirt, see where them tattoos go. Seeing is believing. I believe I got my eye on you. where them tattoos go. See, you just believe it, I believe I got my eye on you. Fiona Boys, Got My Eyes On You. Ah, c'est une autre découverte de cette semaine. Je vous remercie d'avoir été présent cette semaine pour 2 heures de blues sur Très Blues à C'est Fou sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Mon nom est Denis Baudin. Je vous rappelle quelques lignes. La page Facebook de Très Blues à C'est Fou. Vous pouvez venir nous rejoindre, vous pouvez faire vos demandes spéciales. Ça va nous faire plaisir de les faire tourner. La semaine prochaine, le 28 janvier, nous avons avec nous Steven Hubert qui nous fera une présentation des salles mythiques du blues à New York. Et pour terminer l'émission, on pouvait passer sous silence la prestation extraordinaire d'un trifluvien cette semaine à Toronto au Maple Blues Awards. Steve Hill qui est revenu des Maple Blues Awards avec les bras pleins de trophées. Voici The Ballad of Johnny Wabo. Merci, bonne semaine. Écoutez du blues. First time in Toronto, they said, son, you got no business in this place.